Chapitre 16e. Le jour fatal arriva. Le mariage à la mairie avait été célébré la veille, et j'avais mal caché ma joie jalouse en ramenant pour un jour encore à la maison paternelle ma fille mariée. Cette nuit-là, j'avais plus souffert que de coutume, et elle était venue sur la pointe du pied, comme elle le faisait souvent, écouter mon souffle inégal. Cette nuit-là encore, j'avais eu la force de dissimuler ma souffrance, et j'avais caché mon visage brûlant dans l'oreiller pour étouffer le cri de l'angoisse. Puis elle avait disparu, légère, toute blanche, dans sa robe de nuit, et le frôlement du rideau m'avait laissé comme un adieu de sa main délicate. Le matin était venu, on m'avait amené ma fille vêtue de blanc, si semblable à sa mère jadis, que j'en avais eu un éblouissement. Je ne sais plus ce qui suivit. Ma belle-mère me tança, je ne sais plus pourquoi. Je conduisis ma fille le long d'un tapis rouge qui m'aveuglait, au son ronflant des orgues qui m'assourdissaient, puis je la vis tout à coup séparée de moi, agenouillée auprès d'un homme que je trouvais affreux, bien coiffé, frisé, rasé de frais, luisant de cosmétiques, roide dans son linge empesé, brillant dans son habit noir, irréprochable et nul comme un zéro. C'était mon gendre. Et il était parfaitement correct. Toute sa toilette venait de chez les premiers fournisseurs. Sa tenue était celle d'un homme du monde. Et pourtant il avait un air que je déteste par-dessus tout, il avait l'air d'un marié. Mais après tout, il y a des gens qui naissent avec cet air-là. Et d'ailleurs, je ne pouvais faire autrement que de le trouver intolérable. N'était-ce pas mon gendre ? Je jetai un regard à ma belle-mère, qui me répondit de même. Nous nous comprîmes, et je lui pardonnais bien des choses. En ce moment-là, elle le détestait tout comme moi. Le jour s'écoula. Ces journées-là finissent aussi. On déjeuna chez moi et à 5 heures, les époux prirent l'express. Ils allaient passer la lune de miel au château de Lincy, où je devais les rejoindre 15 jours plus tard. À ce moment, je fus lâche. Pendant que Suzanne, sur le quai de la gare, me tendait son front lisse et enfantin, j'eus envie de me mettre à pleurer, de me cramponner à sa robe comme un enfant malade et de lui dire « Emmène-moi ». « On part, messieurs, on part !» nous cria l'employé. Il fallut se reculer. Avec de l'argent, nous avions obtenu d'aller jusque-là, mais rien ne pouvait plus m'autoriser à suivre ma fille plus loin. Le sifflet retentit, le train s'ébranla. Je vis encore une fois la tête blonde de Suzanne se pencher au dehors, puis plus rien. Madame Gauthier me prit par le bras et me ramena à ma voiture. Notre fidèle Pierre, qui avait les yeux gros, le poing à force d'avoir pleuré, nous ouvrit la portière quand nous descendîmes, puis s'enfuit dans le sous-sol en étouffant un sanglot dont j'entendis l'écho à la cuisine. La vieille cuisinière pleurait aussi. La bonne de Suzanne, qui restait à son service, était partie en avant le matin, et nous étions tous jaloux d'elle. Quand nous fûmes dans le salon, je regardai autour de moi. La vue de ces objets familiers me ramena à moi-même. Je traversai 2 pièces, toujours suivie de ma belle-mère, et j'entrai dans la chambre de Suzanne. Chère petite chambre, elle l'avait voulu bleue, en mémoire de celle où elle était née, où j'avais veillé son berceau jusqu'à ce qu'elle eût 7 ans. J'entends la voix de ma belle-mère qui me gourmandait. « Voyons, mon gendre, ne vous affectez donc pas comme cela, vous n'êtes qu'une poule mouillée. » Je la regardais hébétée, les yeux secs. « Mais pleurez donc, » me dit-elle. « J'aimerais mieux vous entendre hurler que de voir tranquille comme vous l'êtes. » Je restai toujours immobile. Elle fondit en larmes et se jeta dans mes bras. « Ah, mon ami, me dit-elle, que nous voilà malheureux, le monstre qui nous l'a enlevé. » Et pour la première fois de notre vie, nous nous trouvâmes les mains unies, assis à côté l'un de l'autre, en parfaite communauté d'impressions.